L'Agence télégraphique centrale de Corée a publié le 20 un rapport détaillé sous le titre « Nouvelle victoire dans l'application des recommandations du leader et la défense de la politique du parti ». En ce qui concerne les travaux de la première étape du canal Damné de la province du Fanhe du Sud. Le texte indique notamment les membres de troupes de choc et les habitants du Fanhe du Sud engagés aux travaux du canal Damné sans pompage électrique suivant la recommandation du général Kim Jong-il et le dessein du Parti du Travail de Corée d'édification de la campagne socialiste ont libéré au maximum la capacité de se renforcer soi-même pour achever les travaux de la première étape et jeter les assises solides pour l'abondance agricole éternelle. En effet, notre peuple a réalisé une autre recommandation du général et manifesté une fois de plus dans le monde la vérité que l'application loyale et à tout prix des recommandations du général et du dessein du parti lui promet toujours victoire et gloire. Notre peuple considérera comme vitales les recommandations du général Kim Jong-il et s'élancera tempétueusement à l'allure de Malima dans l'accomplissement du grand programme présenté par le 7e congrès du Parti du Travail de Corée pour arborer le drapeau de victoire au sommet d'une puissance économique socialiste.